quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de la viande dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, les bons et les moins bons morceaux, la découpe de la viande. Après vous avoir parlé lundi des interdits alimentaires, mardi du siège de 1870 à Paris et des drôles de viande qu'on a pu y manger, hier du cannibalisme et d'anthropophagie, nous allons ce matin nous intéresser à l'art de la découpe. Comment historiquement a-t-on découpé les viandes qu'on allait servir et ensuite manger? Comment s'est installée la différence entre bons et moins bons morceaux? Qu'étaient ces écuyers tranchants qui ont rédigé des traités d'art de la découpe de la viande en cours au XIVe ou au XVIe siècle? Comment cet art a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Gilles Galasso, il est maître d'hôtel, meilleur ouvrier de France, et il prépare une thèse en histoire de l'art sur les traités d'art de la découpe. Il est accueilli pour nous dans les studios de Radio France à Bayonne, que nous remercions de l'y accueillir. Olivia Parisao sera dans un instant avec nous. Elle est docteure en histoire, elle est enseignante à Rome et elle a rédigé une thèse sur l'art de la découpe en Espagne et en Italie à l'époque de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Benoît Descamps est également avec nous. Il est docteur en histoire médiévale. Il est spécialiste de la boucherie, en particulier de la grande boucherie parisienne du XIVe et du XVe siècle. Et il est chargé de cours à l'université de Paris 8. Il a participé, comme d'ailleurs Olivia Parisao, au livre dont on a parlé lundi avec un de ses instigateurs, Pour une histoire de la viande, qui est publié à la fois aux presses François Rabelais de Tours et aux presses universitaires de Rennes. Ça, c'est la carotte, ou la galinette, on est d'accord? C'est ça seulement, ce muscle-là. Mais l'ensemble, c'est quoi? C'est la surprise. Quoi? Non, c'est pas la... Pas l'ensemble, c'est le soupalette. La surprise, elle est dans quelle partie? Avant ou arrière? Dans l'avant. Dans l'avant. Ça, c'est dans l'avant, ça? Non. C'est dans l'arrière. Ça, et ça s'appelle? Ça s'appelle comment, l'ensemble? Le gîte. Enfin, ça, c'est le gîte, mais... J'en peux plus. Il y a un seuil ça là, au niveau de la. Sur la tête qu'on mange. Les joues. Les joues, vous avez déjà goûté ça, les joues? Non. J'ai jamais goûté, moi. Je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est extra. Vous savez ce que c'est que une césarienne? Oui, c'est quand on ouvre le ventre pour retirer un bébé. C'est un vétérinaire qui vient la faire, si ça arrive. Donc là, ils ouvrent. Comment? Quelle bavette ils ouvrent? La loyau. Très bien, la bavette de loyau. Et toute cette partie là, c'est quoi? Cette partie là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le ventre. Non, là. C'est les couilles. Les côtes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Merde. Du pout-au-feu, ouais. Ça s'appelle comment? Du plat de... plat de côte, ouais. Et elle a quel âge? Ça, c'est une vache qui a 11 ans. Ah, 11 ans, ouais. Donc pour nous, c'est trop vieux. Voilà, pas si facile d'apprendre le métier de boucher. Un extrait du documentaire de Florian Geyer sur le garçon boucher. Bonjour à nos invités. Bonjour à vous, Gilles Galasso. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Bayonne qui vous accueille. On vous prendra dans un instant. On attend d'avoir la liaison avec Rome et notre invitée Olivia Parisao. Ça ne saurait tarder, on l'espère en tous les cas. Et en studio à Paris, nous sommes avec Benoît Descamps. Bonjour Benoît Descamps. Bonjour, bonjour. Alors, ce qu'on vient d'entendre, le gîte, le plat de côte, et pourquoi pas le beefsteak ou encore l'araignée, tout cela, ce sont des termes que vous trouvez dans votre documentation du Moyen-Âge? Ou ça ne s'appelle pas comme cela? Alors pas vous êtes spécialiste de la boucherie parisienne en particulier. Tout à fait. Disons que dans la plupart des sources que j'ai pu consulter, sur lesquelles j'ai pu travailler, il y a dans le fond très peu de précisions techniques sur les termes, dans la mesure où ce sont des textes réglementaires et non pas, comme on l'entend dans le reportage, là, à portée pédagogique. Mmh. Et que, dans le fond, il faut plutôt se retourner vers les sources de type livres de recettes, dans lesquelles, effectivement, je pense en particulier au Ménager de Paris, écrit à la fin du XIVe siècle, dans lequel on va retrouver un certain nombre de ces termes, avec une évolution et parfois des confusions qui fait que Jérôme Pichon, quand il a étudié ce texte pour la première fois au XIXe siècle, a eu beaucoup de mal à se retrouver entre des terminologies qui demeurent, mais qui n'ont pas tout à fait le même sens. Alors vous trouvez tout de même dans vos textes réglementaires, puisque rappelons que la grande boucherie de Paris se situait du côté du Châtelet, au débouché de la rue Saint-Denis, tout près de la Seine, au bout d'ailleurs, au bord de la Seine ou presque, et que c'était là que les meilleurs bouchers de Paris, parce qu'il y avait une basse boucherie qui s'était répandue un peu partout dans la ville, mais c'était là que les meilleurs bouchers, en tout cas ceux qui se considéraient comme les meilleurs, ceux qui voulaient exercer un art particulier, s'étaient rassemblés, on rentrait dans une sorte de confrérie, et on avait des codes de cette confrérie. Et parmi ces codes, j'imagine qu'il y avait aussi la question de la viande que l'on devait servir pour pouvoir être à la hauteur de cette grande boucherie parisienne. Alors la première des choses qu'il fallait faire, c'était assurer une viande de qualité et donc vérifier que la viande que l'on allait servir n'était pas gâtée. C'était une chair qui était consommable et qui n'allait pas rendre malade ceux qui allaient la manger. Oui, comme Madeleine Ferrière l'a montré, les peurs alimentaires sont anciennes et récurrentes dans notre histoire. C'est justement parce que cette boucherie parisienne, la grande boucherie de Paris, a des prétentions à être la meilleure de la capitale, parce qu'elle n'est pas la seule, et du coup la meilleure de France, que une grande partie de sa documentation n'aborde pas ces questions, je dirais, techniques, dans la mesure où cela relève du savoir-faire de ces hommes et qu'ils n'ont pas besoin, y compris dans la réglementation, de préciser. Il faut plutôt se tourner, pour avoir quelques lumières sur ces questions, vers des ordonnances, des réglementations de métiers en dehors de Paris ou dans le nord de la France, effectivement, je pense à Saumur, Angers, par exemple, ou même des villes de Bourgogne, où on va être plus précis, les autorités municipales vont être plus précises sur ce qui est bon ou mauvais. Je dirais qu'on fait une confiance aux grands bouchers de Paris pour ne pas avoir à leur dire ce qu'ils ont à servir et à donner aux consommateurs. Et tout de même, cette question de ce que l'on sert aux consommateurs sur les étals de la grande boucherie de Paris est importante parce qu'on doit y servir une viande donc la meilleure possible, et donc il y a un aspect à présenter à cette viande. On interdit les viandes soufflées. Alors les viandes soufflées, ce sont des viandes dont on a, j'ai pu comprendre, avec un chalumeau séparé la chair de la peau. Et d'une certaine façon, c'est une façon de mieux présenter sa viande. On interdit les viandes piquées, dans lesquelles on incise la chair pour introduire un chalumeau et la souffler pour la rendre plus appétissante, par exemple. On interdit aussi de mettre de la laine dans les rognons pour pouvoir donner plus d'ampleur aux rognons que l'on va servir. Donc, il y a toute la question de la fraude à ces viandes et de les montrer de la meilleure manière qui soit, mais aussi qu'elles soient les meilleures possibles. Oui. Alors, les précisions que vous donnez sont indiquées justement dans des réglementations sur Paris, mais qui ne sont pas de la grande boucherie de Paris. Néanmoins, le registre de justice de cette grande boucherie que j'ai pu consulter évoque régulièrement ce genre de situation. Le fait de souffler les viandes avec un chalumeau ou par la bouche parfois, d'après les descriptions, non pas pour faire rendre la viande plus belle, mais au contraire, pour faciliter son écorchage. On ne veut pas les traces de couteau, par exemple. Alors, on ne veut ni traces de couteau, on ne veut pas non plus que la laine de l'écorcheur soit en contact avec la viande. Donc, il y a une exigence, effectivement, importante que l'on retrouve, mais que l'on va retrouver, justement, dans ces boucheries qui se hausse du col, si je puis dire, sur l'espace parisien. Alors, vous avez trouvé quand même deux ou trois moments où on accuse en particulier des apprentis d'avoir mal découpé une viande. D'ailleurs, la viande, c'est le terme qu'on utilise à partir du XIVe siècle. Auparavant, on parle de la chair, dit-on. Oui, c'est par là qu'il aurait peut-être fallu d'ailleurs commencer. Ce terme de viande au Moyen-Âge ne désigne pas uniquement l'aliment comestible issu d'un animal plutôt terrestre, qu'on a mis à mort et découpé, par opposition aux végétaux et aux animaux aquatiques, mais cela désigne tout aliment qui permet de vivre. On utilise en revanche, comme vous dites, le terme chair, qu'on retrouve dans l'expression tuer, tailler et vendre cher, qui est qui définit la déloyale chair, c'est-à-dire la mauvaise nourriture que l'on pourrait la viande corrompue. Et c'est ce terme qui demeure, et c'est seulement à la fin du Moyen Âge que preuve du succès justement de ce que nous appelons la viande dans le régime alimentaire médiéval s'impose. Voilà, désormais c'est ce qui donne vie et c'est la chair qui donne vie. Oui, Bruno Loriot a dirigé cet ouvrage qui vient juste de paraître aux presses universitaires de François Rabelais au PUR, qui s'appelle Pour une histoire de la viande. Et c'est lui qui a dit, effectivement, qui a montré, en tout cas pour la France, que ce régime carné de la fin du Moyen-Âge est un régime extrêmement fort où on va abattre 1900 moutons, 400 bœufs, 400 porcs et 200 veaux par semaine à Paris, dans la grande boucherie. Et il y a d'autres boucheries qui vont débiter d'autres animaux en même temps, tout ça par semaine. Donc ça veut dire effectivement que cette alimentation est très forte. Mais, par exemple, vous citez le cas, à propos du savoir-faire des bouchers, de Hugues d'Auvergne, qui est maître boucher et qui fait remarquer à un écorcheur qu'il a mal découpé la viande, mal découpé l'animal, qu'il a frappé de sa hache de derrière à la cuisse derrière du dit bœuf et pour le séparer et mettre par pièce, et qu'il a mal fait son travail puisqu'il y a un os qui a été trop dépouillé en l'occurrence. Oui, alors vous évoquez là le contrôle interne de la boucherie. Hugues d'Auvergne est un des grands maîtres de cette corporation et qui surveille d'assez près effectivement ce que font les ouvriers écorcheurs qui dans les tueries, un peu en retrait de l'espace de la halle de vente, opère et travaille quotidiennement. Il faut dire on est près de la Seine et qu'on jette tous les rebuts, pourrait-on dire, à la Seine qui partent ainsi qui est l'égout central de Paris. Et c'est pour ça que cette grande boucherie est installée au bord de la Seine. Tout à fait. C'est l'une de sa localisation, la motivation de sa localisation. En sachant que quand elle s'installe dans le courant du XIIe siècle, nous sommes presque hors de Paris. L'expansion de la ville sur la rive droite rend compliquée par la suite cette localisation qui pose problème presque tout au long de son histoire jusqu'à sa suppression au début du XIXe siècle. Et donc quand Hugues d'Auvergne fait cette remontrance à cet écorcheur, ça nous dit quelque chose en tout cas de la façon dont on devait le mieux couper la viande ou découper l'animal, et de façon qui n'était pas tout à fait licite au regard des exigences de cette grande boucherie parisienne, oui. Benoît Descamps. Si c'est devenu un aliment courant, ça reste quand même un objet précieux qu'il ne faut pas maltraiter. Et l'exigence des clients, des consommateurs de cette halle de la grande boucherie oblige les maîtres à fournir sur l'étal quelque chose qui ressemble à véritablement un produit de qualité. Olivia Parisot, vous êtes avec nous depuis Rome. Oui, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans le dédale des couloirs de la RAI. J'ai cru comprendre que vous avez eu un peu de mal à rejoindre votre studio, mais vous y êtes maintenant. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes spécialiste d'une autre profession qui découpe la viande, ce sont les écuyers tranchants. Alors, votre période chevauche celle de Benoît Descamps. Benoît Descamps a travaillé sur la fin du Moyen-Âge à Paris à propos de la Grande Boucherie. Vous commencez justement dans ce 14e siècle qui voit apparaître les premiers traités de l'art de la découpe, en particulier dans l'Europe méditerranéenne, l'Espagne et l'Italie plus tard, et qui sont ces traités où on va dire comment, à la cour, alors on n'est plus pour fournir la ville, là, mais à la cour, on découpe la viande de la plus belle des manières, et ce sont des traités extrêmement précis, en particulier un de ceux sur lesquels vous avez travaillé, c'est-à-dire un traité espagnol qui est le premier d'entre eux et qui nous dit justement, alors que on n'en sait pas grand-chose par ailleurs, comment on doit découper la viande. Oui, alors il s'agit du traité de Enrique de Villena qu'il publie en 1423 en langue castillane. C'est le plus ancien traité qui a été découvert jusqu'à aujourd'hui. C'est une source plurielle en fait, parce que c'est à la fois donc un traité qui, évidemment, on parle des techniques de découpe, mais ça se rattache aussi à l'histoire, on va dire, sociale, puisque on parle des bonnes manières, comment on doit se tenir à la cour, et on évoque aussi quelques préceptes diététiques en lien avec les régimes de santé de l'époque. Mais le plus gros du traité, évidemment, ce sont ces chapitres consacrés aux différents aliments. Alors, il n'y a pas que la viande, mais les viandes occupent le gros de l'ouvrage. Et Enrique de Villena a la particularité d'être un grand auteur connu en castillan, puisqu'il a traduit, je crois, l'Énéide et la Divine Comédie, et qu'il a, par ailleurs, donc à la demande de Sancho de Jarava, qui était l'écuyer tranchant de Jean II de Castille, il a rédigé ce travail qui s'appelle L'Arte Sissoria, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai qu'il faut replacer le contexte hein, dans la vie de l'auteur. L'auteur, c'est un érudit, hein, donc publication d'un traité de découpe peut sembler paradoxale par rapport à son œuvre, puisque comme vous l'avez dit, c'est le premier qui a traduit hein, la Divine Comédie de Dante et l'Énéide de Virgile en castillan. Donc ce traité qui est consacré à découper des aliments est un peu original mm-hmm. dans sa production littéraire. C'est Sancho de Jarava en effet qui lui demande d'écrire un traité parce que lui-même, donc, il officie à la cour de Jean II de Castille en tant qu'écuyer tranchant. Et on comprend que jusqu'à donc cette date-là, 1423, hein, début du XVe siècle, il n'y a pas de traité de découpe. Mm-hmm. Ce qu'il demande à Enrique de Villena, s'il peut hein, rédiger quelque chose sur le sujet et s'il a des connaissances. Parce qu'il faut préciser qu'Enrique de Villena a lui-même officié en tant qu'écuyer tranchant lors du banquet de couronnement de son cousin, mm-hmm. qui est le roi Ferdinand d'Aragon, en 1414 à Saragosse. Donc il a évidemment des connaissances sur le sujet. Alors ce qui est important, c'est que c'est ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé, c'est que ces écuyers tranchants, ça n'est pas du petit personnel de la cour. Ça fait partie des meilleures familles à qui on apprend, alors dans des domaines très particuliers, puisqu'on leur apprend dans du fromage frais à découper le poisson, on leur apprend dans des courges à découper la viande, on leur apprend sur des racines de mandragore à découper la volaille, parce qu'évidemment, tous ces plats sont des plats chers et on ne va pas leur proposer d'apprendre justement sur les nourritures elles-mêmes. Et ils sont donc fils de bonne famille, ils sont dans la confiance du roi et ils font partie de ceux qui sont les plus proches du roi parce que par ailleurs, la question de confiance dans un royaume qui peut toujours être touché par l'empoisonnement est extrêmement importante dès qu'il s'agit de nourriture, en l'occurrence Olivia Parisot. Oui, tout à fait. Alors, l'écuyer tranchant, c'est un noble. Hein. Là, on est dans le monde de la cour. La noblesse, à cette époque, c'est un gage de loyauté et de confiance. Donc, comme il évolue hein, dans un cercle qui est proche hein, du roi, hein, c'est-à-dire il y a une promiscuité, hein, puisqu'il découpe devant le roi, avec quand même donc, des instruments de découpe qui peuvent s'avérer dangereux, il faut que ce soit quelqu'un digne de confiance. Au Moyen-Âge, hein, il y a encore évidemment cette habitude de confier un fils hein, de famille, comme vous dites, à la cour pour parfaire son éducation. Donc au départ, en fait, ce sont les grands du royaume qui découpent ponctuellement et puis on a l'émergence un peu de ces spécialistes, hein, de ces professionnels. Mmh. Qui est attesté en fait par la publication de ces traités de découpe à la fin du Moyen-Âge. Donc, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que cette fonction est un art, c'est-à-dire à la fois qu'elle nécessite la maîtrise d'une technique et aussi une véritable virtuosité dans les gestes. Alors, on sait aussi, et c'est sur quoi vous avez travaillé, Olivia Parisot, pour votre thèse, et vous avez participé aussi à cet ouvrage dont je parlais tout à l'heure pour une histoire de la viande, aux presses universitaires de Rennes et aux presses François Rabelais. On sait que ces écuyers tranchants veulent absolument se séparer du métier dont parle Benoît Descamps, qui est le sien, son sujet de thèse, donc à savoir du métier de boucher. Ils ne sont pas de la même eau, pourrait-on dire, Olivia Parisot. Oui, alors c'est surtout dans un autre traité, qui est un traité italien de Vincenzo Cervio, qu'il publie en 1581. Hein. Donc lui qui était écuyer tranchant du cardinal Alessandro Farnese. On a tout un passage où vraiment il dit que... il y a un chapitre qui s'intitule « Ceux qui ne doivent pas s'appeler les vrais écuyers tranchants ». Donc il sous-entend par là que certains peuvent usurper la fonction. Et il fait référence en effet aux bouchers. Hein, alors, je pense que c'est un rapport aussi, évidemment, au sang, peut-être, mmh. qui est tabou pour faire le lien aussi avec l'émission là, avec Bruno Loriou avant-hier. Voilà. L'abattage de la bête, c'est un acte sanglant qui fait un peu le boucher, du boucher légal du bourreau. Mmh. Et c'est vrai qu'en latin, d'ailleurs, le mot carnifex a longtemps désigné à la fois le boucher et le bourreau. Et encore en italien, aujourd'hui, carneficine, c'est le bourreau. Donc il y a toute une volonté hein, de se détacher du boucher qui découpe grossièrement en fait hein, et qui s'oppose à l'écuyer tranchant qui effectue son art avec application hein, et qui suit une découpe. Oui, d'autant que ces traités montrent bien qu'on a des outils qui ne sont pas des outils du boucher traditionnel. Les couteaux sont de très bonne facture, il y a des couteaux de fer et d'acier, ils ont souvent des manches en matière précieuse. Les écuyers tranchants, dites-vous, peuvent même porter des pierres précieuses, des bagues avec des pierres précieuses, parce que cela, d'une certaine façon, a le pouvoir d'antidote, des rubis, des diamants, des émeraudes, donc on n'est pas véritablement dans la grande boucherie parisienne, Olivia Parisot. Et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des manières de table ou des manières de découpe qui sont différentes selon les régions du monde. Dans l'Arte Scissoria, vous expliquez bien que Enrique de Bilenia dit que les Français utilisent des couteaux très fins, que les Italiens, les Allemands, les Anglais ont des manches serties dorées d'argent et faites d'ivoire, que les Maures, qui sont encore présents dans la péninsule ibérique à ce moment-là, consomment des viandes en daube et donc n'utilisent pas de couteau de service. Enfin, qu'il y a des traditions différentes selon que l'on se trouve à un endroit ou à un autre de l'Europe occidentale. Oui, alors tout à fait. Dans le traité d'Enrique de Villena, on trouve plusieurs passages hein, sur des références à des coutumes étrangères. Alors, pour l'auteur, il faut aussi, hein, toujours, c'est ce que je disais, replacer l'œuvre dans son contexte. À cette époque, comme il a été exclu de la cour de Castille, c'est un ouvrage qui lui permet aussi de se rattacher. Mais il a participé à un complot, donc effectivement, il faut qu'il se rachète un peu. C'est ça. Il a participé à un complot contre le favori du roi. Et finalement, cet ouvrage, ça lui permet de se rattacher à donc un art qu'il a exercé. Et ça lui permet aussi de montrer ses connaissances érudites. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il avance est faux, mais il faut prendre évidemment ses propos avec précaution. Mmh. Quoi qu'il en soit, en Espagne, on découpe dans le plat, hein, c'est vrai. Et en Italie, on a l'apparition hein, d'une technique spécifique hein, des traités italiens des 16e et 17e siècles. Hein, c'est ce qu'on appelle la découpe en hauteur. C'est-à-dire que la main gauche est en l'air et soutient la fourchette sur laquelle est embroché le morceau de viande et c'est la main droite qui découpe à l'aide d'un couteau. Alors bien sûr, ça ne peut pas s'effectuer avec tous les aliments. Hein. Il faut que l'aliment ne soit pas trop lourd et ça dépend aussi de la cuisson. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est pour vous, Gilles Galasso. Bonjour. Rebonjour. Bonjour, oui, tout à fait. Donc vous êtes meilleur ouvrier de France, vous êtes spécialiste de la découpe des viandes puisque vous êtes maître d'hôtel et d'une certaine façon, les maîtres d'hôtel, même s'ils ont succédé aux écuyers tranchants, c'est un métier un tout petit peu différent qui naît un peu plus tard que la période dont on parle avec Olivia Parisot. Mais néanmoins, vous avez repris cette tradition de la découpe à table, de la découpe qui était une découpe de cour au départ, mais ensuite dans les grands restaurants. Et en particulier avec cette pratique de ce que vous appelez la découpe à la volée, qui est donc de planter une fourchette dans un des aliments qu'on doit découper et ensuite de découper en l'air et non pas dans le plat cet aliment-là, que ce soit d'ailleurs une volaille ou un gigot. C'est une découpe particulière qui remonte, nous dit Olivia Parisot, à ce 16e siècle ou 15e siècle italien et qui ensuite est venu en France. On a même des sources qui sont auparavant à l'Antiquité. On a une mosaïque au château de Boudry au IVe siècle qui montre justement un écuyer tranchant qui tient une volaille. Alors il la tient avec la main, la fourchette n'est pas encore apparue, et il la découpe en l'air. Alors tout simplement, la signification, c'est de présenter la volaille au dieu du ciel, contrairement aux légumes, aux navets, par exemple, qui vont venir de la terre et qui sont moins nobles. Et alors, cela, vous vous y intéressez non pas simplement parce que c'est votre métier de meilleur ouvrier de France et de maître d'hôtel, mais parce que vous avez conçu le projet de non seulement de rétablir cette tradition qui a disparu avec la nouvelle cuisine et le service à l'assiette dans les années 70 et 80 dans votre propre travail, mais aussi de faire un travail historique de retour en arrière à partir en histoire de l'art, à partir des représentations que vous avez pu lire dans différents manuels, traités, mais aussi des représentations picturales de cette découpe des viandes, Gilles Galasso. En fait, je ne suis plus un histoire de l'art. J'ai travaillé effectivement un histoire de l'art pour essayer de trouver toutes les sources que je pouvais. Mais actuellement, je suis un histoire contemporaine parce que j'essaie justement de faire avancer ma profession à ce niveau-là. Et il faut, vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur les maîtres d'hôtel. Il faut savoir que les écuyers tranchants, le maître d'hôtel n'est pas la suite de l'écuyer tranchant. Il y a une rupture. Historiquement. Il y a une rupture. Et l'écuyer tranchant, en fait, on pourrait l'appeler le maître d'hôtel trancheur. Il va perdurer jusqu'à peu près à la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont encore deux personnages différents. Alors, évidemment, on peut les confondre, mais le maître d'hôtel est plutôt un organisateur, alors que l'écuyer tranchant, le maître d'hôtel trancheur, donc, est un artiste. Parce que vous considérez que c'est un art. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous posez la question dans certaines des vidéos qu'on pourra d'ailleurs voir en lien sur la page de la Fabrique de l'Histoire de ce jour. Vous considérez qu'effectivement, vous posez la question, est-ce qu'on est un artisanat, comme les bouchers le pensent de leur propre travail? Est-ce qu'on est un art quand on fait ce travail de maître d'hôtel trancheur? Est-ce qu'on est... ça n'est qu'un ensemble de techniques qui servent donc au service, et ça n'est que cela? Et vous, vous tranchez pour l'idée d'un art. C'est-à-dire, si on prend le marché de la restauration actuelle, si vous allez dans un restaurant de chaîne, donc pour que tout le monde comprenne, que vous commandez une côte de bœuf, une personne va la découper devant vous comme un boucher, c'est-à-dire qu'il va faire des allers-retours avec son couteau de tranche. L'écuyer tranchant va faire des gestes qui sont uniquement dans le cadre artistique. Par exemple, on ne va pas faire d'allers-retours avec le couteau, mais il n'y aura qu'une seule coupe. Et ça vient de quoi? Ce sont des traditions qui se sont transmises différemment, d'un côté comme de l'autre, de ceux qui découpent la viande. Comment avez-vous perçu cette transmission jusqu'à votre propre métier aujourd'hui, en l'occurrence Gilles Galasso? On a des hypothèses. Par exemple, alors là, on va basculer donc sous Napoléon Ier, où il y a une représentation de la guerre des Cosaques, par exemple. Actuellement, on a un objet qui est le sabre cosaque pour sabrer le champagne. Et donc, on pense qu'il y a une représentation comme ça de l'art de la guerre, de l'art du sabre, du maniement des armes, au travers des gestes symbolisés du maître d'hôtel trancheur. Benoît Descamps, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais éloigné de la période médiévale pour dire que à partir du moment où les bouchers perdent le droit d'abattre, ce qui était le point focal de leur activité, ils vont, à partir du 19e siècle, en tout cas assurément sur Paris... Parce qu'on va supprimer les tueries, ce qu'on appelait les tueries. On a d'ailleurs un documentaire qui a été diffusé il y a peu de temps sur ce thème-là. Et on va les remplacer par les abattoirs, avec des professionnels des abattoirs. Et donc les bouchers ne vont plus tuer eux-mêmes. Et géographiquement, des abattoirs écartés, renvoyés vers les faubourgs, les périphéries. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, le travail du boucher, progressivement, ça se met en place très lentement, mais en tout cas à Paris de manière précoce, le travail du boucher... boucher et se concentre plus sur l'étal, la vente, le fait de tailler, de présentation. Et voilà, j'entendais les commentaires sur le côté artiste du maître d'hôtel. On peut regarder jusqu'à une date assez récente, ou encore dans certaines boucheries parisiennes, le soin avec lequel les bouchers décorent, fleurissent leurs étals, et la catégorie des nouveaux bouchers qui travaillent d'une manière différente la viande sont aussi attachés à cette présentation esthétique. Oui, parce que ce qui est quand même très intéressant, Olivia Parizeau et Gilles Galasso, c'est que on a vraiment l'impression que manger cette viande dont on parle depuis le début de la semaine peut être trivial ou au contraire peut être anobli. Et donc on parle d'ailleurs dans les métiers de la boucherie d'anoblir la viande. Olivia Galasso, il y a une dimension effectivement de hiérarchisation, pourrait-on dire. On peut faire des daubes, des choses qui sont mélangées dans d'autres choses, et puis il y a des viandes rôties que l'on peut présenter de façon beaucoup plus noble et beaucoup mieux présenté. Vous évoquez par exemple cette hiérarchie des viandes, Olivia Parizeau. Vous évoquez la hiérarchie des viandes avec le paon par exemple, qui est considéré dans les cours de la fin du Moyen-Âge comme le volatile suprême. Les volatiles étant eux-mêmes les animaux suprêmes parce que ce sont eux qui sont le plus près du ciel. Et puis de l'autre côté, le canard qui lui va dans les mares et dans l'eau et qui est le volatile le moins considéré, dites-vous, dans cette hiérarchie des volatiles. Mais c'est la même chose pour le veau et pour tout un tas d'autres quadrupèdes. Oui, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, la vision du monde en fait s'organisait autour d'une grande chaîne de lettres. Hein, c'est ce qu'a montré Alain Grieco dans sa thèse. Donc cette chaîne de lettres, elle parcourt les quatre éléments, terre, eau, air, feu, et auquel se rattachent donc l'ensemble des plantes et des animaux. Tout en haut, on a les animaux aériens, en fait, hein, les oiseaux de haute altitude, qui sont par exemple les faucons et les aigles, qui sont plutôt des compagnons de chasse, donc qu'on ne consomme pas. Après, il y a les oiseaux chanteurs. Donc, c'est ce qu'on a pu remarquer, surtout dans un traité italien, le premier traité italien des coupes de Michele Calefino de 1466, où on voit qu'il en nomme à peu près une quarantaine. Tagliare del coltello. Voilà. C'est vraiment une passion culinaire hein, du bas Moyen-Âge et de la Renaissance. Après, il y a les volatiles. Alors, c'est le mets par excellence des riches et des puissants. Le paon, on le retrouve, mais finalement, assez rarement. Hein, c'est un symbole hein, de la somptuosité des banquets. Souvent, il peut servir d'entremets. Hein, ça veut dire qu'à l'intérieur, on va trouver, on va le farcir avec d'autres choses. Hein. Les volailles les plus consommées, ce sont quand même les poules, en Italie comme en Espagne. Ensuite, donc, les oiseaux aquatiques qui n'ont peu d'intérêt dans les traités des coupes. D'ailleurs, Enrique de Villena le dit, hein, que le canard, en effet, par sa proximité avec la terre, finalement, n'est pas si consommé que ça. Et après, il y a les quadrupèdes. Alors, on ne sait pas trop où les placer. Hein, ils sont au milieu de la chaîne de lettres, au milieu. Hein, et tout en haut, on a le veau, alors qui est aussi bien consommé en Italie qu'en Espagne. Et le porc aussi, hein, le mouton, c'est la viande la plus consommée dans la péninsule ibérique. Voilà, donc on trouve cette hiérarchie. Et une hiérarchie des morceaux aussi, parce que lorsqu'on découpe, par exemple, des volailles, eh bien, évidemment, toutes les extrémités, Olivia Parisot, ne sont pas assez valorisées pour pouvoir être présentées au roi, le cou, les pattes. Mais en revanche, c'est le corps de l'animal lui-même, les parties supposées les plus nobles qui sont les meilleures. Et il y a donc une hiérarchie non seulement des animaux et des viandes, mais aussi une hiérarchie à l'intérieur de chacun de ces animaux, de la viande qu'il faudra présenter à celui qui est le souverain. Oui, dans le traité d'Enrique de Villena, il énonce des morceaux qui sont peu recommandés. Alors, il s'agit des extrémités, comme vous l'avez dit, les pattes, les pieds, la queue ou la tête, et les abats. Mais en même temps, là, ce qui est intéressant, c'est de croiser ce discours qui est sans doute influencé par les discours diététiques hein, de l'époque, c'est-à-dire hein, ces régimes de vie hein, qui sont publiés dès le XIIIe siècle et qui doivent veiller à ce que consomme un individu puisse s'accorder avec l'aliment, c'est-à-dire qu'un individu a une complexion qui doit s'accorder avec la complexion de l'aliment. Donc, oui, c'était. On est encore dans une dans une médecine hippocratique ou galénique, effectivement, qui tient beaucoup compte de ces questions-là, Olivia Parisot. Oui, exactement. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, finalement, ces extrémités, on ne les recommande pas. Mais dans la réalité, si on suit la lecture des traités de découpe, on voit, par exemple, que la tête de veau est très appréciée en Italie. Hein. Et donc, finalement, que les goûts de l'époque diffèrent des prescriptions médicales. Donc, en Espagne aussi, les parties les plus demandées, ce sont les extrémités. Hein. Mm-hmm. C'est ce qu'a montré un historien espagnol, Fernando Serrano Larraoz, sur la cour du roi Charles III de Navarre. Hein. C'est début XVe siècle. Il a montré qu'à la cour, on demande la tête, la langue, les pattes, les tripes et les chines. Voilà. Donc il faut bien distinguer, enfin il faut croiser ces discours à la fois sur la prescription médicale diététique et puis... Et la réalité, la pratique réel, évidemment, voilà. Comme on a dit depuis le début de cette semaine. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. écoutez La Fabrique de l'Histoire, dernier volet d'une série d'émissions consacrées à l'histoire de la viande. Et aujourd'hui, nous parlons de la découpe des viandes, en particulier de son histoire, parce qu'il y a évidemment une histoire à cette découpe des viandes. Ne t'engage pas à découper si tu ne t'en sens pas capable. Tu n'en retirerais que de la honte. C'est dans L'Art de manger, un texte que vous avez cité dans votre travail, Olivia Parisot. Ne t'engage pas à découper si tu ne t'en sens pas capable. C'est aussi ce que vous dites à vos élèves en tant que meilleur ouvrier de France, en l'occurrence Gilles Galasso, parce que c'est un véritable apprentissage que d'apprendre à découper la viande, justement, selon cet art de la découpe traditionnelle qui remonte au moins au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Oui, c'est étonnant que cette phrase puisse être transposée aujourd'hui, puisque c'est exactement ce que je dis à mes élèves au lycée hôtelier de Biarritz. Évidemment, à force de découper des volailles en l'air, à la volée, je le transmets à mes élèves. Tous les ans, il y a 5 ou 6 élèves qui sortent du lycée hôtelier de Biarritz sur le marché de la restauration et qui sont aujourd'hui capables de reproduire ce genre de découpe, qui sont extrêmement complexes. Alors, les élèves ont le choix entre découper sur une planche ou découper à la volée. Et certains courageux disent « non, je vais le faire » et ils le font devant les clients. Donc, si vous venez manger au lycée hôtelier, vous verrez des découpes à la volée. C'est Jacques Vonté que vous citez souvent comme étant celui, par exemple, qui a imaginé que ce poulet pouvait être coupé en 6, 2 cuisses, 2 ailes et 4 parties de blanc, c'est ça ? C'est-à-dire, oui, à partir du XVIIe siècle, il y a une véritable école de la découpe, Jacques Vonté, Pierre Petit, et les techniques françaises se séparent des techniques européennes du Moyen-Âge. Ça s'explique comment, ça ? Alors, vous avez des explications qui sont liées au moment de crise politique. Vous dites Henri III, par exemple, invente ce moment où il se retrouve seul au milieu de la cour. On est en pleine guerre de religion, bien évidemment, et les criers tranchants découpent à la volée en face de lui. Et on est en pleine guerre de religion. C'est aussi une façon de dire sa confiance en son écuyer tranchant, mais de se retirer du reste de la cour. Et vous pensez qu'il y a là un lien, alors là, il faudrait l'établir peut-être, Gilles Galasso, entre situation politique de crise et révolution, pourrait-on dire, de la découpe des viandes à la cour. Oui, il y a des récurrences. Alors maintenant, faut-il les prouver, ce qui est difficile pour un historien. Ouais. Mais par exemple, le tableau qui m'a, enfin l'enluminure qui m'a beaucoup aidé, c'est les très riches heures du duc de Berry, qui apparaît juste après la bataille d'Azincourt. Donc la noblesse est complètement décimée, et il faut rétablir en fait un aura de la nation, et on le fait au travers justement de l'écuyer tranchant quand ils vont recevoir des nobles, quand ils vont recevoir des étrangers, des ambassadeurs étrangers. C'est au travers de cette découpe que l'on va montrer que la France existe toujours. Et vous pensez aussi, par exemple, que après la Révolution française, la révolution du métier de maître d'hôtel, qui est lié en particulier à Antonin Carême, dites-vous, montre qu'il faut faire l'apprentissage d'une nouvelle clientèle, cette bourgeoisie qui va rentrer dans les restaurants qui se créent au XIXe siècle, dites-vous, pour pouvoir lui apprendre justement quelles sont les pratiques qui viennent de la cour et qui vont descendre à la ville. Oui, alors juste avant, donc sous Louis XIV, le problème va être que justement, vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, les écuyers tranchants sont très proches du roi, donc sont des personnes de confiance, et leur poste est bien sûr envié par les nobles de la cour, surtout à Versailles. Et donc on va essayer, ce qu'on appelle la noblesse de robe, va essayer de reprendre la charge d'écuyers tranchants, mais effectivement ils ne maîtrisent pas cette technique qui est compliquée. Et effectivement, petit à petit, cette technique se perd, la technique à la volée, et petit à petit, on ne sait plus découper en France. Mmh. Et alors, les cuisiniers, vous le soulignez bien, Antonin Carême, donc un cuisinier, ou Urbain Dubois par la suite, donc on est au milieu du 19e siècle, vont reprendre les techniques de découpe, mais dans l'intérêt de la cuisine, c'est-à-dire pour servir chaud, et donc sur une planche. On n'est plus du tout dans l'art du maître d'hôtel. Et encore aujourd'hui, on est dans cette logique-là, et moi je veux remettre le maître d'hôtel au centre de la proposition gastronomique. Oui, c'est votre proposition en tant que meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel. Benoît Descamps, vous vouliez intervenir, puis je donnerai la parole ensuite à Olivia Parisot. Oui, pour revenir sur la question des bons et mauvais morceaux, il faut noter que la réglementation médiévale des boucheries porte davantage sur la nature de l'animal que sur la nature du morceau, si on excepte les tripes ou les abats qui sont vendus à l'écart, en tout cas à Paris. À Saumur, par exemple, on interdit la viande de taureau ou de femelle qui a mis bas récemment. Mm-hmm. C'est lié sans doute à la qualité sexuelle de l'animal, mais derrière, il y a une idée aussi de moins bon goût, hein, de qualité inférieure. Ce que vous voulez dire, en l'occurrence, Benoît Descamps, c'est que cette question des morceaux tels qu'on les voit représentés sur les tableau qui nous montre comment on doit découper un cochon, comment on doit découper un veau, comment on doit découper un bœuf. Ces questions-là, ça existe parce qu'il y a évidemment des façons de découper la viande à un moment donné. Qui sont repérées par les archéologues. Voilà. Mais de l'autre côté, que ça n'est pas la question centrale dans la période qui est la vôtre, c'est-à-dire au Moyen-Âge. La question centrale, c'est plutôt la question de la qualité de l'animal en tant qu'animal. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'elle arrive en bonne santé, d'une manière générale. C'est pour ça qu'on les fait se reposer dans des prés avant d'arriver à Paris. Mais au-delà de cette bonne santé générale, il y a un certain nombre de réflexions, de repères au boucher, notamment c'est le caractère plus la viande est liée à la sexualité, plus elle est dévalorisée sur l'étal. De la même manière, on va retrouver des obsessions, je dirais, tout à fait contemporaines. On privilégie le porc qui est élevé en forêt, avec des glands, à celui qui est élevé en ville ou en espace suburbain avec des déchets domestiques ou du son. La boucherie de Sainte-Geneviève, par exemple, va même jusqu'à interdire formellement que l'on vende sur ses étals un porc qui aurait été élevé chez les barbiers, ouais, chez les maréchaux ferrants. Pourquoi les barbiers? Parce que ça rejoint la question dont on parlait hier d'anthropophagie, c'est-à-dire qu'effectivement, ce porc-là aurait pu manger des déchets humains chez les barbiers, du sang humain, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, il aurait été lui-même une sorte d'anthropophage. Il on touche à l'angoisse de l'anthropophagie, tout à fait. Olivia Parizeau, ce qui est intéressant dans votre travail sur les écuyers tranchants, sur cette période donc du XIVe au XVIe siècle, c'est que ça se rapproche aussi des travaux maintenant très connus, mais qui ont mis du temps à l'être, de Norbert Elias sur la question de la cour, du polissage de la cour, etc. Et en particulier sur ces pratiques de cour, de ce que l'on doit faire ou pas faire pendant que l'on mange, ce qu'on doit faire ou pas faire pendant que l'on découpe la viande. Vous expliquez par exemple que un des préceptes, c'est qu'il faut de la courtoisie, de la mesure, de la propreté, du calme, des bons gestes, tout ce que pourrait d'ailleurs signer dès demain Gilles Galasso, et ne pas parler lors de la découpe. En l'occurrence, il y a des règles qui s'instaurent et qui vont se transmettre de génération en génération. Olivia Parizeau. Oui, les premiers traités de ce qu'on appelle les traités de civilité, en fait, qui réglementent les usages à table, apparaissent au cours du Moyen-Âge. Et donc, ce qui est lié à la courtoisie, apprendre à être courtois, c'est respecter dans sa mise et dans ses manières les usages et les modes à la cour. Alors, vous citiez l'extrait tout à l'heure de Frances Eximenis, là, le moine franciscain du XIVe siècle. Oui, ne t'engage pas à découper, si tu ne t'en sens pas capable, tu n'en retirerais que de la honte. Et qui, dans son ouvrage « L'art de manger, donc boire et servir à table », dit en effet aussi qu'il ne faut pas parler en coupant le pain ou la viande, c'est une rustrerie. Et surtout, c'est la peur d'envoyer son haleine ou sa salive sur les mets. Donc, il y a cette idée de modestie, de tempérance, mais qu'on retrouve déjà dans l'Antiquité, et qu'on donc reprend de l'Antiquité. Mmh. C'est lié, c'est vrai, à ce savoir-vivre qui se développe. Alors, il faut faire attention avec le terme d'hygiène, parce qu'en fait, finalement, c'est plutôt le savoir-vivre qui prime sur l'hygiène. Mmh. Et par exemple, l'obligation de se laver les mains, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une des principales règles de la société médiévale qui est enseignée aux jeunes nobles dans les cours seigneuriales. Mmh. Ce n'est pas sanitaire, mais ça relève vraiment de la décence. Mmh. Il y a l'idée aussi c'est vrai, on retrouve dans le traité de Vienne toute une partie sur ces bonnes manières. Il faut être propre, il faut avoir une bonne haleine, donc il conseille de manger. Il faut avoir la barbe découpée. Voilà, les ongles propres. Mmh. Et se tenir, alors ce qui est intéressant, aussi à l'écart des endroits où on pourrait être imprégné d'odeurs, par exemple les chaudronneries, les forges. Mmh. Parce qu'on a cette idée que la neutralité olfactive, comme disait Laurence Moulinier, c'est une composante importante de la sociabilité au Moyen-Âge. Mais c'est votre portrait, Gilles Galasso, bien mis, les ongles propres, en tant que meilleur ouvrier de France, c'est exactement ce que vous transmettez à vos propres élèves, avec l'habit qui scie évidemment au maître d'hôtel que vous êtes. C'est compliqué parce que lorsqu'on essaye de reproduire des techniques du Moyen-Âge, évidemment, on rentre dans l'anthropologie, c'est assez, ouais, assez compliqué. Et l'idée m'est venue dans un voyage à Rome avec mes enfants, où on a vu le disco ball. Ouais. Et j'ai vu ensuite, par la suite, un reportage qui montrait que des anthropologues ont essayé de reproduire le geste du disco ball et il est impossible. C'est ça. Et ça ne marche pas. Et donc, en fait, toute la difficulté a été d'essayer le plus possible de me rapprocher des traités dont parle Madame Parisot. Mais ensuite, je suis obligé de m'en éloigner parce que d'abord, on est au 21e siècle, on n'est pas dans le même contexte. Et nous ne savons pas faire les mêmes gestes, d'une certaine façon. Notre corps n'est pas le même non plus. D'une certaine façon, on pourrait penser à une pérennité du corps, mais on sait très bien que ce corps est formé par les sociétés qui sont différentes des nôtres, en l'occurrence. Oui, mais j'essaie quand même de me rapprocher le plus possible d'un écu étranchant du Moyen-Âge. Mmh. Vous voyez, c'est-à-dire essayer de me mettre à sa place, et c'est très compliqué. Et un jour, je déjeunais à Tours, justement, puisqu'il y avait une conférence sur ce... À l'Institut des hautes études de l'alimentation. Bon, tout à fait. Et je déjeunais avec Bruno Loriot, qui est un spécialiste, un historien de l'alimentation. Et qui est très proche de nos deux autres invités, donc c'est Olivia Parisot et Benoît Descamps, bien sûr. Oui, continuez. Tout à fait, tout à fait. Et alors, je lui fais part de mes difficultés. Je lui dis, voilà, je voudrais tenter ça, mais est-ce que c'est historiquement viable ? Et il me dit, tente. Parce qu'à un moment donné, il faut s'approprier l'histoire et il faut essayer, en respectant le plus possible les sources, il faut essayer d'adapter nos gestes au marché de la restauration actuelle. Mmh. Vous savez qu'il y a il y a le guide Michelin, évidemment, en France, mais il y a aussi ce qu'on appelle le 50 best. C'est le classement des meilleurs restaurants du monde. Mmh. Et alors, la France a été extrêmement vexée parce que vous avez ce restaurant qui s'appelle Eleven Madison, qui est à New York, où le plat emblématique, le plat signature, est une copie du canard apicius d'Alain Senderens, découpé en salle. Et nous, les Français, on a oublié l'art de la découpe, des techniques que nous avons inventées, en plus. Vous voyez ? Donc, c'est un vrai combat économique. Ouais, un combat économique, un combat aussi culturel. On voit bien chez vous que vous êtes à la fois, en tant que meilleur ouvrier de France, vous vous sentez tributaire d'une certaine façon de cette longue histoire de l'art de la découpe, mais aussi comme dépositaire d'un trésor qu'il faudrait faire fructifier. C'est ça, Gilles Galasso. Voilà, et donc j'essaie de travailler avec des chefs. Alors on parlait de la viande, vous avez des chefs qui de plus en plus tendent la main au maître d'hôtel parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est une manière de démarquer la gastronomie française au niveau international. Mmh. Et au niveau de la viande, actuellement je travaille beaucoup avec Jean Sulpice à Talloire, autour du lac d'Annecy, et ils ont un rapport avec la viande qui est différent, c'est-à-dire que si vous allez manger chez Jean, vous aurez du chevreuil, mais uniquement lorsque la période de chasse le permettra. Vous voyez, on a un rapport différent, et je trouve qu'on met la viande plus en valeur, justement parce qu'il y a une rareté qui se met en place. Oui, parce que ce que vous expliquez bien dans vos vidéos, en l'occurrence Gilles Galasso, qu'on peut trouver sur le net, c'est en particulier que la nouvelle cuisine et le service à l'assiette a rendu ce service de maître d'hôtel obsolète et qu'il faut pour vous repasser au-dessus de cette nouvelle cuisine pour retrouver les racines les plus lointaines de cet art du maître d'hôtel. Oui, en fait, moi je m'inspire beaucoup des travaux de Monsieur Brodel, et je suis dans cette logique en fait d'une histoire longue, vous voyez. Donc les gestes dont on parle sont des gestes qui sont réalisés à l'Antiquité, voilà. On est heureux d'entendre un maître d'hôtel, meilleur ouvrier de France, citer Fernand Brodel. Ça arrive relativement rarement. Un dernier mot, Olivia Parisot, sur votre propre travail et la possibilité que vous auriez peut-être de dialoguer en dehors de la fabrique de l'histoire avec Gilles Galasso. Oui, bien sûr, j'écoute avec attention ce que dit Gilles Galasso, notamment sur la manière qu'il a de reproduire la découpe et la découpe du Moyen-Âge. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu une exposition à Blois, Festin de la Renaissance, et il y avait une petite vidéo où les élèves du lycée hôtelier de Blois avaient reproduit la découpe d'une volaille comme elle était indiquée dans le traité italien de Cervio, et ils avaient eu beaucoup de mal. Donc je peux comprendre la difficulté. Moi-même, je n'ai pas tenté, mais je serais évidemment heureuse de discuter et de regarder les vidéos en ligne des coupes effectuées par Gilles Galasso. Engagez-vous dans un BEP avec Gilles Galasso comme, professeur, peut-être que vous y arriverez. Vous savez, déjà, Steven Kaplan a passé un CAP de boulangerie pour pouvoir mieux comprendre ce qu'était la boulangerie parisienne du XVIIIe siècle. Il faut peut-être un jour allier justement ce travail pratique avec le travail intellectuel que vous avez mené. En tout cas, merci beaucoup Lia Parizeau et merci de nous avoir rejoint depuis les studios de la RAI où vous vous trouvez. Merci à vous Benoît Descamps d'être avec nous également pour votre travail sur la boucherie parisienne. On peut vous lire tous les deux dans cet excellent ouvrage des presses universitaires de France qui vient de paraître l'année dernière pour une histoire de la viande. Et c'est aux presses universitaires de France et aux presses François Rabelais. Pour vous, Gilles Galasso, on peut voir vos vidéos sur le net. Il y a une manière de les trouver facilement sur un moteur de recherche, Gilles Galasso? Oui, je vais mettre, si vous voulez, en commentaire sur votre podcast, je mettrai un lien. Et puis, vous avez reçu une photo juste avant l'émission de votre technicien qui découpe un poulet à la volée. Ah, c'est très bien. Mais écoutez, merci. Voilà. Le technicien que vous lui avez appris à découper un poulet à la volée. Oui, je lui ai montré le geste, oui. Merci beaucoup à tous les trois. Et donc, merci de nous avoir rejoints pour parler de cette question de l'histoire de la découpe des viandes. Sachez que cet après-midi, ce midi, dans la grande table, en deuxième partie de la grande table, l'invité sera Monder Kilani, qui est anthropologue et qui a écrit « Le goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale ». Il poursuivra l'émission que nous avons pu avoir hier, c'est au seuil. Et c'est le sous-titre de cette émission, c'est « Cannibale lecteur ». C'est donc tout à l'heure, en deuxième partie de la grande table. Comme d'habitude, cette émission de la Fabrique de l'Histoire a été préparée par Aurélie Marsay et Francesca Fossati. Nous avions la chance d'avoir à la technique Youtou Diego Aclopez et à la réalisation Renaud Dalmar.